بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيه بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، toujours dans كتاب التيمم، les habits sont sèches. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث الرابع والعشرين بعد المئة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. ما هو موقف كما صححه الأئمة؟ Donc dans le 124e hadith, selon Ibn Omar, qu'il a dit que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit que le tayammum c'est deux coups. Un coup pour le visage et un coup pour les deux mains jusqu'au coude. Apporté par Dariqutni. Et les imams du hadith, ils l'ont rendu mawquf, c'est-à-dire qu'il s'arrête à Ibn Omar. Le hadith, c'est pas marfoua. Il n'y a pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'avis que Shir également voit. Taïb. Donc ce n'est pas un hadith marfoua, donc ce n'est pas une hujja, à la base. Avec khilaf dans la mas'ala, est-ce que le col du sahabi c'est une hujja ou pas? Taïb. Il dit mas'ala toun. عدد ضربات التيمم وحده من اليد. Donc le nombre de coups qu'on dit coups, c'est les frappes au sol pour le tayammum, et à quelle limite de la main il s'arrête, à quelle limite. La plupart des savants voient que le tayammum c'est un seul coup qui englobe le visage et les deux mains, tamam, et que cela ne dépasse pas la main. Ça va pas à l'avant-bras, ça va pas au coude, ça va pas aux épaules. C'est la main. La preuve, c'est le hadith de Ammar ibn Yasir qu'on a pris dans le vers précédent. Taïb. Et d'autres, ulama, parmi eux Malik et Abu Hanifa, et l'une des portes de Shafi'i, et d'autres. Et parmi le sahaba, il y a Ali ibn Abi Talib qui le voit, et Ibn Omar, comme le prouve ce hadith, qu'elle est moukouf. Il voit que le tayammum, c'est deux coups, un pour le visage, et un pour les deux mains, jusqu'au avant-bras, du bout jusqu'au coude. D'accord? Comme l'a rapporté Nawawi dans Sharh Muslim et Ibn Rajab dans Fath al-Bari. Il rapporte ce coup-là de ses sahaba. Tamam? Donc leur preuve, c'est le hadith de Ammar. Tavon. Ceux qui voient le premier avis, comme on l'a dit, leur preuve, c'est le hadith de Ammar. Celui qu'on a pris hier. Et ce hadith est muttafaqun alayh. Avec les deux versions. Celle où c'est le visage et les mains en premier, et celle où c'est les mains et le visage en premier. Et les autres, du deuxième qawl, ils ont pris comme preuve ce hadith d'Ibn Omar. Et également. Il y a dit la version marfoua, elle est munkar. Munkar. Ce qui était rapporté comme étant marfoua, c'est munkar. Par contre, ce qu'il y a, c'est que c'était rapporté mokoufan. Bon, munkar, c'est-à-dire c'est à rejeter. Ce n'est pas attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont porté également un autre hadith. Faible également, selon Ammar ibn Yasir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a enseigné le tayammum, il lui a appris à essuyer jusqu'au coude. Et le hadith, il est faible, contenant un homme, un inconnu, Mubham. Personne ne sait pas qui il est, du tout. Donc, Shir ibn Izem, il voit que après, c'est ça dans le masala par rapport à ce hadith-là, l'école des aïmah, des savants, sur le hadith, qu'on va passer, car ça, c'est pour les arabophones, déjà à la base. Il n'y a pas de fida vraiment à faire du moustala en français. Tu peux donner quelques favoris comme ça, quelques noukottes, à m'avenir avec le khilaf entre les aïmas, ça c'est فهو نعم فهو نعم طيب Après, il y a un autre call, un troisième call, qui dit que le tayammum, c'est deux coups. Pour le visage, pour les deux mains, jusqu'aux épaules. Jusqu'aux épaules. C'est-à-dire, de la main jusqu'aux aisselles. Quand on dit épaule, c'est jusqu'aux aisselles. En abyssé. Al-ibt. Des aisselles, ça arrive là, des épaules, quoi. Quand même. Et cela, ça a été apporté par qui ? Par Zohri. Puis, il fut rapporté de lui qu'il a blâmé ce calame-là, c'est-à-dire qu'il l'a nié avant de dire ça. Et ils ont un hadith d'Aïf pour se baser là-dessus. Également un hadith de Ammar, chez Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, qu'il est dit فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ لِلْمَنَاكِبْ مِنْ بُتُونِ أَيْدِهِمْ إِلَى الْأَبَاطِ C'est-à-dire qu'ils ont essuyé, c'est-à-dire avec la terre, leur visage ainsi que leurs mains jusqu'aux épaules et l'intérieur de leurs aisselles. L'intérieur de leurs mains jusqu'aux aisselles. Et le hadith, il est muttalib jiddan. Après, il cite à quoi le dire, la main sur ce hadith, qui n'est pas considéré. Et il y a un quatrième qawl également, rapporté par, que Shawkani rapporte dans son livre. Ça ne veut pas dire qu'il le voit, il l'a rapporté. Pas même. C'est pas tout ce que le alim y rapporte qui voit le qawl. Par exemple, là, Cheikh Abdel Yusuf rapporte plein de qawl. Ça ne veut pas dire qu'il le voit, c'est pour te montrer le khilaf qui existe. Si jamais un jour quelqu'un te dit ça, pour pas que tu dises que genre tu le tombes dessus comme tu dis, ah, il y a des ulama qui l'ont dit avant. Ça, d'où l'importance de connaître le khilaf, des fois. Quand tu parles à quelqu'un, quelqu'un dit une parole, par exemple, vraiment extravagante. Et t'en es pour dire, mais tu dis n'importe quoi, ils vont commencer à parler de Dieu, t'as inventé ça, ou tu dis, bah, j'ai Shawkani qui l'a dit. Donc après tu m'as bien insulté, tu me dis à moi là, tu me dis porte de Shawkani alors. Bah là tu te sens bête. On te dit pas que le coup il est vrai. On te dit attention, tu connais pas tous les khilafs. Des fois de masala toi te paraît clair, il y a des aqwals de ulama, tu les connais pas dessus, qui ont dit d'autres avis. Aussi surprenant soit-il, ils sont là. Donc quand tu prends un opposant sur une masala, attention comment tu lui parles. Tu vois, attention comment tu lui dis la chose. Parce que ce que tu lui dis à lui, ça va s'appliquer sur les ulama dont il l'a pris. Et il va t'apprendre que des ulama l'ont dit avant lui. J'ai les salaf, moi je n'ai pas inventé ce rôle là. J'ai un tel qui l'ont dit avant moi. Masala qui est arrivé une fois, dans la khidba, pour voir la femme, pour le mariage. Si demain t'as un frère qui te dit, ouais, c'est quoi la limite qu'on peut voir chez une femme? Le visage, les mains, le khilaf, les cheveux, les pieds. T'en as pas dit, ouais, tu vas voir la femme toute nue. Il y en a, ils vont rigoler. Les ulama, ils l'ont dit. Fait vous rigoler, des ulama, ils l'ont dit, tu peux l'avoir toute nue. Je crois que c'est Ibn Hazm qui l'a dit. Allah Alam. Ouais, je crois que c'est lui qui a dit ça. Si je me trompe pas, en tout cas, je sais qu'il y a des, il y en a qui l'ont dit. Tu peux l'avoir toute nue. Mais avec le coup, c'est sûr qu'il est munka. Tu sais, on ne l'accepte pas. Il n'y a pas un père qui voudra que une khidba et voit sa fille toute nue. Ou un frère qui voit sa fille toute nue. Mais, si quelqu'un te dit ça, min haythu al-bahth al-ilmi, la recherche scientifique, il va te dire, des ulama l'ont dit. Maintenant, le coup, il n'est pas convaincant. Mais il va te dire, des ulama l'ont dit. Et des fois, tu as des masaïs, tu as des paroles extravagantes de savants, qui disent des paroles. Tu dis un savant, il dit une parole comme ça, tu es surpris. En plus, c'est pas n'importe qui. Tu vois, c'est des savants, des imams, des montagnes. Et pourtant, le calame, il est vraiment. Tu sais, tu es abasourdi, comme on dit. Pourtant, il l'a dit. Même des fois, dans la maladie, il dit Adjib, Adjaib, Al-Sheikh Fulani. Adakol, là, il y a l'Ekbi. C'est une parole qui n'est pas de son niveau, qui n'est pas de son statut. C'est quelqu'un de plus haut que ça, à la base. Et des fois, dans la main, ils ont des paroles, ça arrive. Car l'être humain, il n'est pas infaillible. Mais attention, entre faire des paroles comme ça arrive de temps en temps, il y a quelqu'un qui en fait tout le temps. Tout le temps des paroles chaz, des aquels marginaux, des paroles marginales, ou des fatwas bizarres. Non, au d'un moment, lui, pour les fatwas, c'est pas bon. Ben, c'est Obeid Jabeli. Tu vois? Faut pas dire que, ouais, comme vous regardez, vous excusez ce savant-là, ou c'est pas Obeid Jabeli. Non, lui, on en a fait plein. Tu vois, il en a fait plein. Et en plus, il y a des contradictions, des paroles disent ça, après, il dit le contraire. Il donne en plus pas de dalil. Les ulama, ils ont un dalil, ils ont un hadith qui d'arif. En tout comme ça, lui, il donne rien du tout. Écoute bien ces fatawas, qu'ils n'ont jamais de dalil. Quand Allah, quand Rasoul, presque jamais. Et quand il te donne un, souvent il est hors sujet. Il donne un hadith, Mais le hadith, il ne vient même pas dans la mas'ala. Il n'a rien à voir. Écoute, ces fatwas, il n'y a quasiment jamais de dalil. Les gens les appellent imam. C'est quoi un imam? Il te donne une fatwa, il te donne son dalil. C'est pas il vient comme ça, il dit la mas'ala, fait un tafsil, première parole, premier point, deuxième point, troisième point, il fait un tafsil, et au final, il n'y a rien. Dans les 5 points qu'il va citer, 2 vont être bons, et le 5e, il va effacer tout le reste. Ça, c'est ça. Dana. Son habitude. Ça reste arrivé une fois, deux fois, quelques fois, vite fait. Ça, ça monte à Sunna. On pardonne. On dit attention, ce qu'on a, les baratib. Mais, yahtiram l'alim. Mais quand c'est, parce que tout le temps, en plus des masselles qui sont claires, chez beaucoup de gens, qui touchent au menhaj, qui touchent à la aqidah, qui touchent au halal haram chez les gens, dans la vie de tous les jours, tu leur permets des choses qui sont interdites, avec des preuves claires. Tu les égales, les gens, en font ça. Fait qu'on on écoute ta parole, il n'y a pas de dalil dedans. Mais même pas une chouboua, il n'y a pas de dalil dedans. On va dire un hadith d'Aïf, Maudour, qui l'a critiqué. Non, même pas. Il n'y a rien. Ça vient juste de la tête. Comme c'était ce qui était reproché à qui? Abu Hanifa. Abu Hanifa s'était reproché. Que beaucoup d'avis qu'il avait prenaient de sa tête. Sur les ahadith. Il a été blâmé par les salafs pour ça. Aujourd'hui, on blâme quelqu'un comme Roubaix, déjà, il fait une révolution. Abu Hanifa était plus grand qu'Roubaix et Jabiri, à la base. Il a un madhhab. Jusqu'à ce jour. Et le ulama fait son éloge malgré les erreurs qu'il a. Il était considéré comme étant un imam, bien des savants. On ne va pas comparer Ubay al-Jabiri à Abu Hanifa. Malgré qu'Abu Hanifa ait des erreurs, c'est un mourji. Mais dans le djinn, il a un parcours qui est reconnu par beaucoup de gens. Vous me tenez? Et malgré cela, les salafs, ils l'ont blâmé durement sur son époque. Aujourd'hui, on blâme quelqu'un, on dirait que tu as parlé, je ne sais pas sur qui. Fait des salafs pour parler sur plus dur, sur quelqu'un qui est plus grand que lui. Des paroles plus dures sur des gens qui étaient plus grands que lui. Ça, c'est quoi le ta'assum, fanatisme? Parle pas sur un tel. Il a tort ou ne parle pas sur lui. C'est tout. C'est ce que tu veux, parle pas sur lui. C'est la personne, en fait. C'est pas la mas'ala, c'est pas le sujet. C'est la personne. C'est ça le ta'assum, malheureusement. Et le ta'assum, il existait avant, il existe toujours et il existera encore. À la asaf. Donc, pour revenir à ce quatrième call, qui est que le tayammum, c'est 3 coups. Un coup pour le visage, un coup pour les mains, et un coup pour les avant-bras. Quand même. Et Shoukani l'a bien dit, bien qu'il a porté le col, lam aqif li hadha al-qawl ala dalilin. Je n'ai pas trouvé de dalil pour ce col. C'est-à-dire, il a rapporté le col. Quand même. C'est le col, c'est le col de qui? De Saïd ibn Musayyib, ibn Sirin. Voyez, Saïd ibn Musayyib, c'est qui? C'est la tête des tabiïns dans la science. Regarde. Ibn Sirin, c'est qui? C'est l'un des plus grands tabiïns kazaliques. Regarde qui ils sont. Et pourtant, ils sont avec un col qui n'a pas de dalil à la base et qui contredit les autres preuves claires. Et que ils sont connus pour des gens qui ne suivent pas les passions. Et que si on leur avait donné dalil ou quoi, ils seraient revenus. Et il rapporte le parole de Shah Yahya, dans son livre Arkham Tayammum, qui dit pareil. Qu'il n'y a pas de dalil sur ce kaoul. Et il dit même qu'il faut vérifier que ce kaoul-là leur a bien été attribué à ce imam, qui s'est bien dit ça. Car c'est un kaoul qui est vraiment loin et qui ne leur convient pas. Ils ont dit une telle parole. Donc il faut vraiment vérifier qu'ils aient bien dit ça. Parce que des fois aussi, dans les kutub, on attribue des paroles à dire, là-bas, ils n'ont pas dit. Tout comme des hadiths ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même n'a pas été parlé de ça. Alors que te dire de moindre que lui? Même Allah subhanahu wa ta'ala, les rafidahs ont inventé un mushaf. Dieu a inventé des sourates. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été parlé de ça dans sa créature. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam kazalik. Les sahabas kazalik. Tu penses qu'ils sont après ou pas été parlé? Combien de koutoub il y a du des dedans? On rajoute des paroles du alim, soit pour salir son image, ou soit pour le faire pencher vers un masala que toi tu vois et tu veux dire Ali Foulani il est avec nous là-dedans. Pourquoi regarde dans tel livre c'est écrit? C'est un quelqu'un qui n'est pas de lui ça. Comment tu peux le savoir? Dans les autres kutub par exemple. Tu vois tu combats ce qu'on là, Mathalem. Tamaman. Ou d'autres personnes qui ont le même livre, dis-moi j'ai pas ça moi, dans mon édition. Ou quelqu'un dit, il revient au partout toi, ton manuscrit. Le manuscrit, c'est pas écrit ça. Il en ramène plusieurs, même pas un seul, plusieurs manuscrits, partout toi, tu dis. C'est écrit où? Parce que là, c'est un des qui a été mis dans le livre. Un col matsous, c'est un col qui était infiltré dans le livre, qui ne vient pas du Alim Foulani. Donc, ce col-là, il n'est pas vrai. et même qu'on connaisse Ali ibn Abi Talib, il ne peut pas dire ça. C'est contraire à sa aqida, ce qu'on connaît de lui. Non. Taïeb. Donc ça, c'est le tarjih, c'est-à-dire que la première, le premier avis, le correct, c'est le premier. Tayammum, c'est un coup pour le visage et pour les deux mains. Non. Donc attention dans les masal khilafiyah, toujours les prendre avec adab. Tant que tu sais que la personne devant toi, c'est pas juste une passion qu'elle fait ou qu'elle joue. Après, quand tu sais qu'elle joue, c'est une passion, là, c'est autre chose. C'est autre chose. طيب après il dit في الحديث الخامس وعشرين بعد المية وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن قطان لكن صواب الدارقطني إرساله وَلَتِّرْمِذِي عَنَ بِذَرْ نَحْوُهُ وَصَحَّهُ. Donc dans le 125e hadith, selon Abu Huraira, que le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le Saïd à la base, on dit c'était quoi? Le sol. Mais là, on sait que le tayammum, maintenant, c'est la terre. Donc la terre, c'est l'eau d'eau du muslim, toi qui ne trouves pas d'eau, ne serait-ce même 10 ans, durée de 10 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Mais s'il trouve l'eau, alors qu'il craint Allah, et qu'il en touche sa peau avec l'eau. Si tu trouves l'eau, tu dois faire l'eau d'eau avec l'eau. Apporté par le bazar, authentifié par Ibn Qattan, et en réalité, dans la Qattan, il a dit que le hadith, il est mursal. Et Shi'i dit qu'il est Hassan li ghayrihi. Le hadith, il est Hassan li ghayrihi. Il est Hassan pour autre que lui. Par Jamid Turuq, les autres versions du hadith, c'est Shawahid, Mafalim, c'est Mutaba'at, qui appuie le sens de ce hadith. Il est également rapporté par Tirmidhi sur la Bouddha et qui est également Hassan Ireilihi. Donc il dit Mas'ala Nawaqid et Tayammum. Quels sont les annulatifs de Tayammum? Il cite le Ba'd ibn Qudama dans le Mughni où il dit que le Tayammum est annulé par le Hadath, c'est-à-dire tout ce qui annule l'eau d'eau. Quand tu vas aux toilettes, la falaine, tout le Nawaqid de l'eau d'eau. D'ailleurs, tout ce qui annule l'eau d'eau, annule le tayammum. Également, parmi les choses qu'on ajoute, le fait de voir l'eau, la présence de l'eau. C'est-à-dire que l'eau est présente et que tu l'as vue. Tu le sais. Et l'eau, de quantité suffisante à l'utilisation. Lui, il rajouta, comme condition. Une eau, de quantité suffisante. Par exemple, c'est pas demain, tu vois, en fait, pour lui, c'est pas demain, tu vois, une goutte d'eau, par exemple, t'en tayammum, ça annule ton tayammum. Il faut que l'eau soit suffisante pour que tu fasses face aux eaux. Ça, c'est l'avis de Qudama. La dernière fois, on avait dit quoi? Tu utilises l'eau que tu vois. Ouais, c'est son avis à lui, ça. D'accord? Pas mal. Également, la sortie du temps. Lui, il voit que chaque temps de salat, tu refais le tayammum. Ouais. Si le temps est sorti, le tayammum, il est fini. Et certains de ces ashab, les Hanabila, ils voient également le fait que tu penses que l'eau, elle est présente. Que tu penses que l'eau est présente. Par exemple, tu as des indices, tu dis, ah, je pense que l'eau est présente. La salade. Il a dit, von, wujud el ma. Et certains nous ont dit également, si tu enlèves ta imama ou tes khouf, ça annule le tayammum. Après, il dit, mais l'authentique, c'est que cela n'annule pas le tayammum. Ça, c'est la parole du reste des fuqaha, des gens du fiqh. Car le tayammum, c'est une purification. Sur laquelle on n'essuie pas ni sur l'imama ni sur les roufs. Donc le fait de les enlever n'annule pas l'eau d'eau comme le ferait l'eau. Parce que lui c'est un hanbalit. Le hanabila il voit que le fait d'enlever l'imama ou d'enlever les roufs ça annule l'eau d'eau. Vous voyez? Tamam. Non. On a fait le Mourni. Mourni c'est un livre dans le fiqh hanbali. Mourni, c'est un livre dans le fiqh Hanbali. Et le char, c'est celui de qui est connu? Char al-Saymin al-Mubtia. De ce livre-là. Car Char al-Saymin Kazalik, il a évolué sur le mazhab Hanbali, en Saoudi. Saoudi, le mazhab, c'est le mazhab Hanbali, qui est Muntashir. Donc ça c'est l'avis d'Ibn Qudama, attention. Après il a dit que le tayammum de la janaba, celui qu'on état de souillure majeure, n'est annulé que par la vision de l'eau et la sortie du temps et toutes les choses qui obligent le rosl. Et il dit وَكَذَلِكَ الْتَيَمُّمْ لِلْحَدِثِ الْحَيْدُ وَالنَّفَاسِ اِنْتَابِ التَّصَرُّفِ. Et également qu'il est annulé par le, ça revient au même hein, Moujdi Batil Rousse, c'est-à-dire le Haïd, le menstru, et Al-Nifas, c'est-à-dire le Loshi. Après, Cheikh Ibn Hizam, il vient pour commenter ces paroles-là en disant, en ce qui concerne la sortie du temps, que le temps de la salat soit fini, il n'y a pas de dalil qui fasse que cela annule le tayammum. Ça, ce sujet, on l'a déjà évoqué par avant. Et cela n'est pas considéré comme étant un annulotif de l'eau. Hein, cela n'est pas considéré comme étant un annulotif de l'eau. De tayammum, à point. Ce n'est pas un annulotif de tayammum. Car le tayammum, c'est une purification qui enlève le hadath. Et le khilaf était où entre ceux qui disent que ça permet de faire l'adoration, mais n'enlève pas le hadath. Donc ils disent si, ça l'enlève. Tu te rappelles le khilaf au début? Voilà. Donc, celui qui voit que ça permet seulement, lui, de sa compréhension, ça inclut que tout ce qui a été dit auparavant. Que la sortie du temps, ça allume, Mathalène. Ça, c'est son avis. Celui qui voit ça, doit voir cela. On va dire c'est mathématique. Mais celui qui voit que ça purifie, c'est-à-dire celui qui a fait le tayammum, il est tahir. C'est pas une simple. C'est pas un raf hadath. C'est pas un truc qui te permet de faire l'adoration, mais tu es toujours en état de. Tu es toujours mourdif. Ou junoub. Non. Vous voyez? Taïeb. Donc là il a commenté par rapport à ce qu'a dit Ibn Qudama des choses qui en réalité sont en surplus, comme le fait que le temps y rentre ou se finisse. C'est un tayammum, ça n'est pas tayammum. Pour ceux qui sont d'avis que le tayammum c'est une tahara, c'est une purification et non pas mubih lil ibadah. Après il dit mas'ala hal yabtul at-tayammum bi wujud al-ma' wa in kana fi as-salah. Est-ce que maintenant celui qui a tayammum, le fait que l'eau soit trouvée alors qu'il est en salat, ça annule le tayammum direct? Il dit que le sujet il y a deux paroles. Première parole, ça annule même s'il est en salat. Il fait salat مثلاً et pas d'eau. مثلاً dans la maison, dans tout le secteur, tout le quartier, coupure d'eau par exemple, il trouve pas d'eau. L'eau, elle est loin, c'est de l'eau. Personne n'a d'eau chez lui. Il fait salat. Mathalan. Après, on entend l'eau, elle est revenue. C'est réparé et tout, l'eau, elle est revenue. Pour tout le monde. En pleine salat. Donc, premier call, que lui, il arrête sa salat, il va faire l'eau. Car l'eau, elle est présente. Lui et tous ceux qui sont dans son cas. D'accord? Ça, c'est l'avis de Ahmed et de Abu Hanifa et d'autres. Et ils ont pris quoi comme preuve? Le hadith de Abu Hurayra qu'on est en train. Et également celui d'Ibn Hazm. Après deuxième call de Malik, Shafi'i, Abu Thawr et de d'autres, Ibn Mundhir, que s'il a mis la salat, il continue la salat. Il ne s'arrête pas. Et c'est également une version de Ahmed qui aurait dit cela. Sauf qu'il est revenu dessus. Mais Ahmed, il voyait cet avis-là, mais il est revenu dessus. Pour revenir au premier call. Ils ont pris quoi comme preuve, eux? L'ansarif hatesma asoten ou Yajid Rihan, le hadith d'Abu Huraira, celui qui a trouvé des choses dans son ventre dans la salat. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il ne sorte pas tant qu'il n'a pas entendu un bruit ou qu'il a senti une odeur. Et également la parole d'Allah où il dit وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ Et n'annulez pas vos œuvres. Eux, c'est leur preuve. Après, il y a la réponse qui va arriver. Et Shir ibn Uzaym, vu que la première, le premier qaul, c'est le vrai. C'est-à-dire que si l'eau elle est présente, tu as même ton salat, tu as ta salat. Tu vas faire l'eau. Après, c'était la réponse de Shir Yahya par rapport à le reste de l'aile du qaul thani. Le qaul thani, par rapport au hadith, ils ont pris un hadith qui est basé sur le doute et la certitude. Donc le hadith, c'est leur contexte. D'accord ? Parce qu'eux, ils disent, tant que tu es sûr que ta purification, tu t'en vas pas. Là, on dit, ce n'est pas pareil. Là, c'est quelqu'un, il est en salat, il sait qu'il est en train de boum, et après, il sait que l'eau elle est arrivée. Là, il y a les yaqin. Yaqin. Il sait que l'eau est là. Ce n'est pas il y a zone. Il a trouvé l'eau, et c'est qu'elle est là. Donc le hadith là, il est hors contexte. D'accord, il est hors contexte. Et quant au verset, il dit que le verset, ce qui est voulu par là, c'est le shirk. La tout petit l'eau armée à la coum, c'est-à-dire par le shirk, en apostasion. Le riya, l'ostentation. El man, le fait de rappeler le bienfait que tu as fait aux gens. Ça annule les œuvres. Hein, ouais. Tu fasses du bien à quelqu'un, tu dis j'ai pas fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Hein? Inna lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yunfiquna ma anfaqu mannan wa la adha. Faut pas suivre ceux qui dépensent de leur bien sur le sentier d'Allah, puis ne faut pas suivre ce qu'ils ont donné par le man et le adha. Voilà. Le man, c'est ça, c'est le fait de rappeler à la personne ce que tu l'as fait comme bien. Et le adha, c'est le riya. Comme le prouve la fin du verset. Donc c'est ça qui est voulu par là. T'as même ? Et il dit que lui, en faisant ça, il n'annule pas la salate. En sortant de la salate pour aller faire l'eau. C'est pas lui qui a mis la salate. C'est le fait que l'eau ait été trouvée, la salate, elle est finie. Car c'est un ankid. Donc c'est pas lui qui a dit la salat. Même s'il continue, sa salat, elle sera bâtie là. Car le fait que l'eau soit venue à la qaul sahih, ça annule le tayammum. Parmi les conditions de tayammum, qu'il n'y ait pas d'eau. L'eau maintenant, elle est là. Donc tayammum est plus valable. Maintenant, il aurait fait après la salat, l'eau sera arrivée, il n'a pas refait la salat. Maintenant, il est en pleine salat. Enfin, il est en pleine salat. Donc là, tayammum, il est annulé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il avait, par exemple, je sais pas, il avait eu un gaz pendant la salat. Ça revient au même. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la salat, il reprend le dos et il reprend la salat. À zéro. À zéro. Également, c'est l'avis choisi par Cheikh Al-Othaymin. Et bien entendu, celui de Cheikh Yahya, puisqu'il a pris ce paragraphe de son livre. Arkem et Tayammum. La fomahada? Tayyib. À zéro. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك